Ici Maxime Tremblay de l'Épée légendaire. Oubliez le monde réel et montez le volume, car vous entrez dans la réalité augmentée. That's one small step for man. Réalité augmentée, les technos à un autre niveau. Shut up and take my money! Bienvenue tout le monde dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Jean-Benoît Gagné avec vous, votre animateur favori. Et bien sûr, le seul de ce beau programme. Bienvenue, bonjour. Luc est avec nous, Luc Desormeaux, salut. Salut, le fabuleux. Le fabuleux, oui. J'aimerais ça que toujours ce soit avant que tu dises mon nom, que ce soit associé avec fabuleux. Ce serait juste logique. Ah, c'est parce que c'est pas, tu sais, comme le film t'a critiqué, ça c'était pas le merveilleux, le fabuleux, quelque chose. The Incredible. Ouais, c'est ça. Puis finalement, le film t'es push. Fait que veux-tu vraiment que je t'appelle fabuleux? Bon, ça va être correct, finalement. Okay. C'est bon. Luc, avant de commencer, je veux que tu nous parles un petit peu de quel sera ton sujet de chronique cette semaine. Moi, je vais vous parler du film d'animation Planes ou les avions, qui est un film de Disney dans l'univers du merveilleux film de Pixar, Les Bagnoles, ou mieux connu sous le nom de Cars. Moi, là, on en a déjà parlé en dehors des ondes. Je ne sais pas si on l'a fait dans l'émission, mais moi, il y a toujours cette pensée-là. Là, j'accroche avec le fait que dans Les Bagnoles, ou bien encore dans les avions, pourquoi qu'ils ont des portes si, dans cet univers-là, il n'y a pas d'humains? Qu'est-ce qui embarque dans ces véhicules-là? Probablement rien, mais c'est juste pour donner un look régulier à une voiture. Une voiture, alors, ça a des portes, des fenêtres, des valises, des capots. C'est juste... Parce que moi, j'ai accroché là-dessus. Je pense tout le temps à ça. Quand j'écoute les films Les Bagnoles, je suis tout le temps en train de dire « Ouais, OK, comment est-ce qu'il a fait pour attacher quelqu'un? » Tu sais, comme dans le dernier, il les accroche dans Big Ben. Là, puis là, tu fais comme « Ils ont pas de bras! » Non, mais regarde, je veux dire, ça construit des buildings, des bâtisses, des tu sais, puis ça a pas de bras, pas de jambes, mais il y a des camions qui sont faits pour faire ça. C'est des films pour enfants, faut que tu arrêtes de tout analyser. Là. Tu vas te faire mal. Ouais, j'invite les gens à l'écouter le podcast, c'est pas de problème. Ils ont tenté de régler ce problème-là de moi-même. Ce fait que je décroche jamais, je suis tout le temps en train d'analyser. Je suis tout le temps en train de parler aussi sur Twitter, puis tu sais, chercher des one-liners pour faire des jokes avec les affaires que je regarde à TV ou au cinéma. Si vous avez l'occasion, allez écouter ça. C'est le dernier épisode qu'ils ont sorti. Je vais juste... on va aller vite voir c'est quel numéro d'épisode. On aime ça, un gars préparé. Ben oui, non, mais écoute, c'est correct. Ça fait... Puis là, juste pour faire exprès, mise à jour de, de l'application, c'est l'épisode 177, donc c'est mon problème à moi. Un de mes problèmes, là. Ouais, c'est ça. Ça dure 3 épisodes. Il va en avoir un chaque mois pendant les 3 prochains mois. Il a fait un spécial sur ma personne. C'est ça. Donc, allez écouter ça si ça vous tente. Mais donc, Planes, c'est ta critique de film pour cette semaine. Moi, de mon côté, je vais parler du jeu Rayman Origin. Oui, je sais, je suis à jour. Je suis quelqu'un qui, tu sais, quand ça sort un jeu, là, je suis tout le temps le premier à sauter dessus. Not. Ouais, ou t'es le premier à l'acheter puis à le laisser emballer sur une tablette puis finalement tu te dis « Hey, je l'avais acheté ce jeu-là. » Ah non, ben en fait, je l'ai acheté durant les Summer Sales de Steam. C'est vrai, t'es un gratteux, toi. Ben, ça dépend des jeux. Celui-là m'était vraiment passé sous le radar puis je pense que pour la majorité des gens, il est connu, mais il n'est pas apprécié à sa juste valeur. C'est un jeu qui est incroyable. Je vous donnerai tous les détails. Mon expérience, j'ai vraiment capoté sur ce jeu-là. J'ai apprécié énormément. Je suis un fan de platformer et vraiment, j'en ai eu pour mon argent, surtout que c'était pas cher quand je l'ai acheté. Donc, rendez-vous dans ma chronique dans quelques minutes. C'est beau. Mais auparavant, on va lancer un nouveau concours dans la réalité augmentée. Maxime Giguère, qui est un fidèle de l'émission, il est d'ailleurs en train de nous concevoir un nouveau logo pour l'automne, a acheté un double du Humble Bundle de EA. Ça, c'est le fun. C'est des packs sur lesquels on peut avoir d'excellents jeux. Pas nécessairement les plus récents. Parfois, ça arrive quand même qu'on en intègre un ou deux qui sont plus neufs. Mais il en a acheté deux copies et il a décidé de nous l'offrir pour qu'on puisse la faire tirer dans le cadre de la réalité augmentée. Un gros merci à Max, un fidèle de l'émission. On te salue bien bas. Oui, monsieur. Et dans ce Humble Bundle-là que vous devrez activer sur Origin, on vous le mentionne tout de suite, on retrouve Burnout Paradise de Ultimate Box, Crysis 2 Maximum Edition, Medal of Honor qui est en fait le reboot de la série, et Mirror's Edge, un jeu que j'ai critiqué d'ailleurs dans la réalité augmentée. First Person Running, comme je disais, dans lequel, écoute, tu dois faire du parcours, grimper sur les édifices pour te rendre du point A jusqu'au point B, que j'ai adoré. D'ailleurs, je vous invite à aller réécouter l'épisode dans lequel j'en ai parlé. Ça va peut-être vous donner le goût de participer encore plus au concours. C'est un excellent jeu sous-estimé, mais que vous devriez découvrir si ce n'est déjà le cas. Eh bien, on vous les offre, nous, dans la réalité augmentée, via un petit concours. On fait le tirage. On se donne un petit laps de temps. Là, dans deux épisodes, mettons, on va faire le tirage. Et on va faire ça assez simple. Juste de nous envoyer un petit email à podcastrealitéaugmentée@gmail.com. Dire merci à Maxime, puis vous devenez finaliste. C'est aussi simple que ça. Un petit « Hey, je veux l'avoir, moi, le bundle. » Puis un gros merci de la gang de Réalité Augmentée, puis à Maxime. Puis juste un petit email de même, ça va devenir votre bon de participation. Pas de concours, pas de questions mystères pour gagner ça. On va faire ça plutôt simple. Donc, si je calcule mes affaires... Parce qu'on avait fait ça préparé, on a décidé à la dernière minute que c'était un soir qu'on donnait ça. Fait que on est trop paresseux pour avoir des règlements, puis trouver un concours, puis trouver une question, puis ça. OK. Prochain épisode qu'on enregistre, 4 septembre. Donc ça va donner un épisode et ça serait le 18 qu'on ferait tirer ça. Je vais mettre ça, là, la date, là, c'est coulé dans le béton. 18 septembre, on fait l'enregistrement. Donc vous avez jusqu'à cette date-là, 18h, pour pouvoir participer au concours de la réalité augmentée pour gagner le Humble Bundle de EA. Comprenant, je vous rappelle, les jeux Burnout Paradise de Ultimate Box, Crysis 2 Maximum Edition, Medal of Honor et Mirror's Edge. Moi, dans la liste de jeux, Mirror's Edge, je l'avais déjà, bien entendu, mais j'ai quand même acheté le Humble Bundle. Je pense que ça vaut la peine. C'est toujours pour une bonne cause en plus. Donc, un petit plus. Puis, c'est le fun, ça enlève le petit côté démoniaque de EA qu'on leur appose parfois. Ça, c'est un petit plus. C'est positif. Ils gagnent le ciel tranquillement pas vite avec ce genre d'action-là. Tant mieux. Moi, ouais, ils sont en train de creuser pour remonter. je vais te lancer une courbe juste de même. Vas-y. Là, vraiment, on n'a pas discuté de rien avant le show. On fait ça comme live avec vous autres. À la voix comme live, je te pousse, live enregistré. Oui. aimerais-tu faire plus qu'un gagnant? Ou un si par jeu? Juste le pack. Ouais, moi, je donnerais un pack. C'est des codes qui sont individuels. Fait que moi, je dirais peut-être, envoyez-nous un courriel, puis dites-nous en ordre quel jeu vous aimeriez avoir. OK. On va regarder ça, puis on va essayer d'en donner. Tu sais, ça serait le fun de faire comme, tu sais, on a trois jeux qu'on donne? Trois, quatre jeux? On a un, deux, trois, quatre jeux, donc quatre gagnants. Quatre jeux. On pourrait faire quatre gagnants. OK. Écoute, si on a assez de participants, why not? c'est au pire, s'il y a quatre participants, on choisirait au hasard. Mais ben oui. Donnez-nous dans l'ordre les jeux que vous aimeriez avoir. Puis après ça, nous autres, on va se débrouiller avec ça. OK, c'est bon. On fait ça de même. Si on n'a pas assez de participants, bon, une seule personne l'aura, le pack au complet. Sinon, chacun un jeu. Puis écoute, c'est des jeux qui normalement se vendaient à l'origine. Oh, petit jeu de mots. Autour de 50 à 60 $ là, quand c'est sorti. C'est des excellents jeux qui ont tous leur qualité. Là, si vous êtes un amateur de course, Burnout Paradise, c'est pour vous autres, des shooters, des choses comme ça. Il y en a dans ce pack-là, donc c'est bien intéressant. Si vous avez une machine de guerre, vous voulez tester ses capacités à fond, le Crysis 2, c'est toujours encore d'un benchmark pour les cartes vidéo. C'est vous dire comment est-ce que c'est un jeu qui... c'est la crème de la crème en côté graphisme dans le domaine du jeu vidéo actuellement. Ouais, puis Medal of Honor, il a été critiqué pour être très court. Mais c'est un jeu qui est extrêmement intense. C'est un petit 6 heures, là, vraiment. C'est 6 heures, finir ce jeu-là. mais c'est 6 heures, le pied dans le plancher avec de l'action, puis il y a des scènes vraiment incroyables dans ce jeu-là, là, des scènes que vous allez vous dire je ne survivrai pas. C'est vraiment intéressant. Fait que c'est pas un jeu, il a été critiqué parce qu'il était trop court pour 60$, mais pour gratis, je veux dire, il est pas trop court. Non, c'est ça. C'est un beau 6 heures pleinement investi. Bon, oui, non, c'est un excellent jeu. Puis juste pour la bande originale avec des chansons de Linkin Park, moi, c'est un de mes bands favoris. Pourquoi pas? Ah, c'est ça. Donc, voilà, c'est lancé. Faites-nous votre liste dans l'ordre, les 4 jeux dans lesquels vous voulez les avoir, puis on fera le tirage parmi les participants. Podcast realitéaugmentée@gmail.com. Vous avez jusqu'à mercredi 18 septembre, donc dans 2 épisodes, pour participer. Et après ça, bon, on fera le tirage des différents gagnants. Sinon, avant de commencer d'ailleurs avec les chroniques, on avait beaucoup de stock en dehors du show normal cette semaine. Tu voulais nous parler, Luc, de ta visite du côté de la Ronde à Montréal où il y avait un événement Nintendo. Ben oui, au dernier podcast, je vous parlais que j'avais été invité par Nintendo Canada et la très sympathique Julie Gagnon, que vous avez vue à Monsieur Net le premier épisode, le lundi le 20, si vous avez vu la critique de Pikmin 3. C'est Julie qui présentait le jeu avec Andréanne. Donc, c'est ça, j'ai été invité là pour aller au lancement de Mario et Luigi Dream Team. Oui, j'ai eu quelques minutes pour essayer le jeu. C'est très bien. C'est un RPG plus qu'un Mario platformer, là, comme on est habitué. Donc, c'est vraiment un RPG avec des modes de combat RPG aussi, du plus 1, moins 2, plus 5, des affaires comme ça, là. Donc, mais c'est j'ai bien aimé ce que j'ai vu. J'ai aimé le style de jeu. On contrôle Mario et Luigi en même temps. C'est vraiment bien. Il y a des niveaux vraiment comme platformer, puis faut que tu, quand tu passes pour sauter, mettons, en 2 zones de blocs avec un vide dans le milieu, faut que tu pèses A, B, parce que faut que tu fasses sauter Mario avec A et Luigi avec B. Fait que si tu manques ton coup, ben il y a un de tes bonhommes qui peut mourir. Oh, c'est vraiment intéressant. Les graphismes sont vraiment très jolis pour la 3DS. J'ai vraiment trouvé ça très bien. Donc, on a eu beaucoup de plaisir. On a essayé le jeu. Il y avait Mario et Luigi en mascotte, là. Mon fils a eu un plaisir fou. Même, il a fallu qu'on retourne à... C'est l'expérience Nintendo à la Ronde. Pour ceux qui vont faire un tour à la Ronde cet été, il y a un building. Si vous entrez à la Ronde, l'entrée principale qui est juste sur le côté du pont Jacques-Cartier, vous tournez vers la gauche et vous marchez. Et en gardant votre gauche, il y a une bâtisse grise, au fond, grise et bleue, et ça s'appelle l'expérience Nintendo. Vous pouvez aller jouer à... il y a des Wii U, il y a des 3DS avec... normalement, c'est plusieurs jeux. Nous autres, c'était 15 copies de Mario Luigi qui étaient là. Donc, on a joué à ça. Mais sur les Wii U, il y avait d'autres jeux. Là. J'ai pu rejouer au jeu de Lego City, puis il y avait Super Luigi Bros. U qui était là. Donc, il y avait plein de jeux qu'on pouvait essayer là. C'était vraiment le fun. J'ai fait une petite entrevue avec Julie aussi, petite. Quand je dis petite, je dis à peu près 2 minutes et quelques, qu'on va passer. Je devrais faire la critique de Mario Luigi Dream Team dans quelques semaines. Je devrais avoir une copie essayée dans quelques semaines. Laisse un lousse. Je suis pas certain encore, j'attends. Donc, quand je vais avoir la copie, je vais le jouer, je vais faire la critique, puis on va mettre l'entrevue avec la très sympathique Julie Gagnon juste avant. Là. Mais une très belle journée, fait que j'aimerais remercier quand même Nintendo Canada pour ça, parce que c'est eux autres qui ont payé les billets pour la ronde. Là. Mais c'est tellement drôle à la ronde, parce que tu dis, oui, les billets sont gratuits, mais ça a quand même coûté presque 100$ avec les repas, puis les cochonneries. Ouais, fait mais là-bas, t'amènes pas ton lunch, ton prime, pop après. Les gardiens de sécurité, là. Non, mais on n'a pas eu de problème. Là, mais nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a apporté notre dîner. On a mangé. J'avais un VUS prêté par Subaru pendant cette semaine-là. Fait qu'on a mangé on a ouvert la valise du VUS. On a mangé avec le cooler, la glacière là. Puis après ça, on a rentré sur le terrain de la ronde. Mais une belle journée agréable grâce à Nintendo Canada. Je calcule ça, là, Luc, là, okay, t'avais le VUS prêté, ni bien pour la ronde prêté. T'es un sale quêteux, toi. Pas à peu près. On pourrait dire ça, oui. Bon, en fait, disons-le, tu fais ça pour le podcast de tôt, les articles que tu fais sur le web, les vidéos aussi sur YouTube. Donc, tu fais ça pour la bonne cause, pour les essais routiers. Non, oui, je fais ça par passion. Puis, regarde, je fais ça, j'aime ça. Je fais ça pendant que ça dure. Un jour, c'est sûr que le podcast auto, ça va arrêter. Je sais pas quand encore, mais j'en ai au moins pour encore à peu près 1 an minimum. Là. Donc, on se fait du fun. On fait on espère que les gens aiment ça aussi, mais regarde, le podcasting puis tout ça, c'est fait par plaisir, hein, c'est fait par passion. C'est pas fait pour l'argent, on n'est pas payé pour faire ça. Fait que quand il y a de la passion, on le fait, puis quand on a les moyens aussi, puis les compagnies qui nous supportent. Ben moi, je fais ça pour conquérir le monde. Là. Ouais, toi, je sais, t'es Gargamel ou quelque chose du genre. Là. Hey, parlant de quêteux, tu vas encore une fois quêter d'une certaine façon pour aller au Warp Zone 6 du côté de Québec. C'est un événement qui se déroule au mois de septembre, pour être plus précis, c'est le 14, si je ne me trompe pas, ça tombe un vendredi. Non, c'est un samedi. Un samedi, oui, c'est ça. Samedi le 14 septembre. Moi aussi, je vais y aller. C'est le vendredi. Là, moi, c'est le petit cousin. Après. Oh. En fait, l'événement Warp Zone, c'est en partenariat, c'est Binox, entre autres, qui organise ça. Une belle gang de craqués, différentes boutiques de jeux vidéo aussi à Québec. Et cette année, si vous avez suivi un peu l'actualité dans le domaine du jeu vidéo à Québec, vous savez qu'au Musée de la Civilisation, il y a une exposition sur les jeux vidéo. Donc, le Warp Zone 6, pour la 6e édition, va se dérouler justement au Musée de la Civilisation. Ils vont organiser là, des locaux dans lesquels les gens vont pouvoir se présenter. On installe tout plein de vieilles consoles rétro, aussi des nouvelles. Puis, à gang, on s'en va jouer. C'est comme un rassemblement là, de geeks et de gamers anonymes, mais pas anonymes. On dit, j'ai pas les prix des billets. Là, j'ai pas, moi, je paye pas. Je pense que me semble que c'est 15$. 15$ pour les adultes, puis c'est gratuit pour les enfants en bas de 12 ans. Mais vérifie, continue à parler, là. Je vais me regarder ça là, pendant ce temps. Ok, t'as peu. Warp Zone 6, 10$ le prix, si je me fie au site, le Warp Zone Eventbrite.ca. Donc, pour être VIP, 25$. Sinon, ben, si vous êtes costumé, by the way, hein, si vous faites. Cosplay. Du cosplay, oui, je cherchais le terme. Si vous faites ça, puis là, on parle pas juste d'un t-shirt, d'une casquette à l'effigie de Mario, là. Tu sais, force-toi un peu. Tu peux plus pousser, là. Ouais, force-toi un peu, c'est gratuit pour rentrer. Donc, ça, c'est toujours. Ça met le fun dans Barack aussi. C'est toujours le fun de voir ça. Donc, on dit qu'entre autres, sur place, on va pouvoir essayer des périphériques. Le Super Scope, le Power Glove, le Virtual Boy, des Atari, des Vectrex, des Jaguar, des Genesis, les consoles de Nintendo, tout ça sur place pour cet événement-là. Donc, Avio Gamer de la région de Québec, la réalité augmentée va être sur place. Toi et moi, on va être là. On va amener la petite famille. Aussi, ben, écoute, je suis en train de têter. Là. Peut-être que Daniel va venir. On va voir avec son travail. Daniel qui, normalement, mi-septembre ou fin septembre, devrait être de retour dans l'émission. S'il ne choque pas encore, là, monsieur qui travaille. Moi, ouais, c'est ça. C'est tellement comme. T'sais. Moi, pas faire de podcast pour un job qui paye. Ben je trouve là, ça tellement. Voilà, non. C'est ça. T'sais, mets tes priorités à bonne place, le grand. C'est ça. Donc, tout ça pour dire qu'on sera présent et aussi dans le prochain épisode de La Réalité Augmentée, on devrait avoir une personne de l'organisation du Warp Zone 6 avec nous pour parler de l'événement, les origines, le pourquoi, qu'est-ce qu'on vise comme public, tu sais, toutes les questions de base, on va leur poser, puis on va vous, dans le fond, on va vous inviter en grand nombre à aller participer à cet événement-là grâce à cette entrevue qu'on vous présentera dans le prochain épisode. Hein, on s'en vient de l'âme des entrevues avec Julie Gagnon de Nintendo. Les gens du Warp Zone, ça n'arrête plus, on est parti pour la gloire. En plus que c'est toi qui anime le show, je veux dire, ben on, là, est, hein? On est greuseux. petite anecdote juste comme ça, quand je suis allé à l'enregistrement de Pas de problème, tu sais, on parlait tout à l'heure qu'ils ont tenté de régler un de mes problèmes là, d'attention là, dans les émissions, je ne suis pas capable de décrocher. J'ai jasé avec Frank The Tank, François Lapierre Messier, un gars super sympathique. Mm-hmm. Écoute, j'ai été étonné que ce soit celui qui me parle le plus. C'est niaiseux, là. Mais pas que les autres m'ont snobé, c'est pas ça du tout. C'est que le gars il est tellement sympathique. Jase avec, écoute, la discussion au fil, tu vois pas le temps passer. Hyper agréable de compagnie. Tu sais, puis je niaisais, je suis là, ah, c'est drôle, monsieur Net, tu cherches un nouveau collaborateur. Ouais, tu sais, là, je suis, ah, ben écoute, moi, je vais pas postuler, tu sais, moi, c'est pas un job à Denis, là, j'embarque pas, là, tu sais. Fait que je niaisais de même, là. C'était drôle. Ouais. C'était drôle. Ben oui, non, mais il est super sympathique, mais il avait peut-être un peu pitié aussi. Oui, peut-être un peu. Il avait choisi ton sujet, puis dis-moi, ce gars-là, il a vraiment des problèmes. Il est de même, il a un grand cœur, Frank. Oui, c'est ça. Je le salue d'ailleurs, qui avait déjà fait une entrevue avec moi à la radio et que j'avais mis en lien sur le show post-E3. Là, donc, mm-hmm. Toujours sympathique, toujours bon, ouvert, super facile à accoster. Donc, on le salue bien bas s'il nous écoute. Oui, j'avais fait un épisode d'Histoire de Gamer avec lui. C'est un beau petit 2 heures très, très amusant que j'ai passé avec lui. C'est yes. Un gars vraiment sympathique. Bon, allons-y avec les chroniques. Je pense qu'on a assez fait de blabla pré-émission. Ben, juste dire félicitations et merci à Hugh Jackman qui a donné 10 000 $ à l'hôpital de Montréal pour enfants en au nom de l'équipe de X-Men Days of the Future Past qui finissait leur tournage à Montréal le 17 août. Donc, ils ont fini leurs enregistrements ici. C'était au Mels. Dans le vieux Montréal, dans le coin du vieux Montréal. Mm-hmm. Pas dans le coin du vieux Montréal, mais dans le coin de l'autoroute de Bonaventure, dans ce coin-là. Ouais, tu traverses le pont, puis tu le vois, là. Ouais, c'est ça, je suis pas loin du pont Champlain. Donc, ils ont fini leurs enregistrements ici, puis ailleurs au Québec, là. Donc, mais c'est un très beau geste, Hugh Jackman, d'avoir donné 10 000 $ à un hôpital d'ici, là. Je parlais avec Jeff Beaulieu, qui est membre de l'équipe du podcast Toto, mm-hmm. qui est justement gestionnaire de communauté, je pense, pour l'hôpital là, de pour enfants de Montréal. Exactement. Et il disait, il mettait ça en lien. Là, je suis là, OK, c'est cool. Ils ont fait un don, pas pour la pub, parce qu'on n'a pas entendu dans les médias. On le sait via les réseaux sociaux parce qu'il y a certaines personnes qui ont été au courant. Puis ils disent, non, c'est ça. C'était vraiment fait pour le don. C'était vraiment fait pour remercier la ville pour l'accueil du temps du tournage. Puis faire un beau geste. Et une des choses qui est drôle, c'est qu'on peut voir les dons, les transactions. Pas de code de carte de crédit, vous avez fait la même, là, c'est quand même masqué, là. Mais on voit les transactions et chose étonnante, il y a une transaction de 10$, puis il y a une deuxième transaction qui est de 9 990$. Puis là, je disais à JF, c'est bien drôle ça. Pourquoi il l'a fait en deux coups? Il dit, c'est parce qu'il a mis la virgule à mauvaise place. Non, je suis sur le site là, puis tu le vois. Ouais, parce que nous autres, en système canadien, il n'y a pas de virgule, tandis qu'aux États-Unis, tu mets des virgules à chaque 3 chiffres, tu sais. Donc, ouais. C'est ça. Fait que il a mis la virgule à mauvaise place. Fait que t'es obligé de faire un deuxième don. Là, tu fais comme, OK, le gars qui s'est enfargé, il est humain, finalement. Nous voulons remercier Hugh Jackman et son épouse Deborah Lee pour leur généreux don à nos jeunes patients en l'honneur de toute l'équipe du film X-Men Days of Your Future Past. Puis c'est ça, t'as un don de 10 $ puis après ça, t'as un don de 9 990 $ Imagine, ils s'en rendent pas compte. Finalement, ils donnent rien que 10 $ Tu fais comme, ils sont bien cheap. Ouais, c'est ça. Wolverine, il avait peut-être détruit le restant de son portefeuille en essayant de le sortir de ses poches. Peut-être. Et ses griffes. Mais non, c'est un très beau geste. Ben oui. Je voulais juste le mentionner. Des acteurs comme ça au grand cœur, il y en a tout plein, mais il y en a aussi qui sont... Souvent, on entend plus parler des frasques et du mauvais revers de la médaille du vedettariat, mais tu sais, il y a des acteurs et des actrices qui sont en couple depuis des années et des années. Là. Ils ne sont pas tous en train de se marier aux 4 mois puis divorcer 2 semaines plus tard. Là. Non, comme Potin, comme Bruce Willis, que tout le monde aime comme acteur, mais qui est supposément un être humain exécrable, s'est fait mettre dehors du film Expendables 3 par Sylvester Stallone. Ben là, techniquement, officiellement, on dit qu'on ne s'est pas entendu sur les termes financiers. Ouais, mais bon, on s'entend. Concrètement, il enregistrait quelque part en Europe de l'Est, puis Sylvester Stallone a dit à Bruce Willis de sacrer son camp parce qu'il demandait 1 million par jour. Hey boy! Il avait offert 3 millions pour 4 jours de tournage, puis Bruce Willis a dit, tu vas me donner 4 millions, je veux 1 million par jour. Puis Sylvester Stallone, il a dit, out. Get out. Ça fait que c'est ça. Il y a des acteurs comme ça, puis il y a des acteurs comme Hugh Jackman qui ont l'air d'avoir un plus grand cœur et ont l'air d'être plus sympathiques. Hey, à 1 million par jour, je me déplace. Je me rends n'importe où, je vais y aller, il n'y a pas de trouble. Tu me donnes 100 000 par jour. Ouais, c'est ça. Hein. On est achetable, pas mal. Oh, ouais, pas à peu près. Hey, on y va-tu là, pour les chroniques? On ouais, assez, ouais, on pourrait bien. OK, c'est bon. Vas-y, donc, film de Disney, Planes, qui est dans l'univers des bagnoles. Moi, j'ai entendu que c'était la même histoire, mais avec des ailes. Ben, c'est ça que j'allais dire, c'est que je peux vous résumer le film très rapidement. Prenez le film Les Bagnoles, mettez des avions à la place, puis bon, c'est ça. Donc, ma note, on va aller un petit peu plus que ça. Premièrement, Planes, qui est un film de Disney et non pas de Pixar. Donc, Pixar n'a rien à voir avec ce film-là. À part le fait que c'est quand même John Lasseter qui est le grand bonze de chez Pixar et de chez Disney aussi maintenant, qui a écrit l'histoire et tout ça. Donc, plein de c'est l'histoire d'avion finalement au lieu d'être une histoire de voiture. Donc, on retrouve Dusty qui est un avion d'épandage que son travail lui c'est tout simplement d'épandre des engrais. Lire fumier dans des champs de blé d'Inde et autres dans un coin perdu des États-Unis. Hey, j'aurais ça, tellement aimé ça qui s'appelle McFly. C'est ouais. Pour vrai. McFly, ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Donc, son grand rêve à lui, c'est de faire de la course. Donc, on a un petit peu de Turbo, l'escargot qui ne va pas vite et rêve d'aller à toute vitesse. Donc, c'est à peu près la même chose. Là. C'est Dusty qui est un avion d'épandage. Lui, son grand rêve, c'est de faire de la course. Et il se pratique avec un de ses amis qui est un camion-citerne qui l'aide à essayer d'aller plus vite. Mais bon, un camion-citerne, c'est pas la chose la plus rapide non plus sur la planète. Mais il l'encourage. Il lit un livre qui s'appelle la course d'avion pour les nuls. Donc, il donne des conseils en lisant ce livre-là à fur et à mesure qu'il dit quoi faire. Et puis, bon, Dusty ne perd pas espoir. Il va demander de se faire conseiller par un vieil avion de guerre qui s'appelle Skipper. Qui lui était un avion d'armée qui avait fait, selon l'histoire, plusieurs missions de guerre. Il avait rentré au bercail sain et sauf. Et puis, il donne toujours des conseils à Dusty en allant avec un peu ses expériences de guerre, comment voler plus vite, plus bas, couper mieux les coins, tout ça. Donc, il apprend à Dusty comment mieux courir. On fait tout de suite un parallèle avec les bagnoles, ceux qui ont vu les bagnoles, c'est facile. Dusty, c'est Flash McQueen. Le camion-citerne, c'est Mater. En un petit peu moins niaiseux quand même. On a fait un camion un peu plus sérieux, quelque chose un peu plus sérieux. Un camion? Un camion, ça c'est un peu plus sérieux. Skipper, ben c'est Doc. Ben dans Cars, on a plus tard, il va rencontrer un avion japonais, un avion pas japonaise mais indienne. Pas une féminine là. C'est Sally. Bon. Puis là, on rencontre d'autres amis. Il y a un avion italien qui est deux gouttes d'eau. La voiture de la Formule 1 dans Cars 2, dans les bagnoles 2. Donc, c'est vraiment, on calque. Là. Puis l'histoire, c'est un peu semblable. Je veux dire, on va faire des courses alentour du monde et puis tout ça. Puis là, il y a des méchants, mais il n'y a pas trop de méchants. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on se calque, on calque plus sur le premier bagnole. Pas vraiment de méchant. Le méchant, il est plus... il veut gagner à tout prix, puis il est prêt à tricher pour gagner, tu sais, au lieu de dans le deuxième, que c'était « je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais tout vous tuer », qui était un contraste vraiment incroyable avec le premier, où tu pars d'un petit film tranquille où le méchant, c'est juste un mauvais perdant, puis quelqu'un qui veut gagner à tout prix, avec des agents secrets qui s'explosent, se tirent d'en face, s'écrasent, se font arracher des morceaux. Qui étaient vraiment avec les moteurs qui explosaient, puis tout. Un peu plus traumatisant pour les enfants. Là. Tandis que là, on voit vraiment une histoire, une bonne histoire, tranquille. Côté animation, c'est vraiment sans reproche, je veux dire, c'est vraiment super beau. Il y a des scènes avec des F-18 dans le film où, à un moment donné, bon, au début, Dusty rêve qui est en train de battre deux F-18 à la course. Là. Puis là, bon, il se réveille assez vite en train de tranquillement épandre du fumier sur son champ. Là. Mais on voit des vrais F-18 avec des porte-avions. Puis c'est vraiment magnifiquement fait. C'est les effets. Moi, je ne l'ai pas vu en 3D. Je me suis dit que ça valait pas nécessairement la peine d'aller voir en 3D. Puis, je pense pas que j'ai rien manqué parce qu'il n'y a rien que j'ai vu dans le film qui m'a fait dire... Tu sais, des fois, tu vois des scènes dans le film, tu dis ça, c'est fait exprès pour le 3D. Mm-hmm. J'ai pas vraiment vu de ça. Fait que je pense pas qu'on a surutilisé le 3D dans ce film-là. J'écoutais hier la chute de la Maison-Blanche, un film que, tu sais, on a loué ça avec ma blonde. Puis, tu sais, il y a une scène où est-ce que tu vois des débris qui tombent partout en avant de la Maison-Blanche. Puis j'ai dit, tu sais, on s'est tourné, on s'est regardé les deux ensemble, on a fait ça, c'était pour le 3D. Tu sais, la scène était filmée et créée en conséquence d'avoir un effet 3D, ouais, tu sais. Ouais, c'est ça. Là. Mais non, dans ça, j'ai pas vraiment vu ça. Il y aurait des scènes, ça aurait été probablement assez beau parce qu'il y a une scène à un moment donné où il essaie de traverser l'océan. Ce qui est le fun de Dusty, ce qui est drôle, ben drôle puis un peu paradoxal, puis ce qui donne un prétexte à, c'est que c'est un avion qui a peur des hauteurs. Il a le vertige, un peu comme moi, mais lui, c'est parce que c'est un avion, il a le vertige, mais la raison qu'il donne, c'est qu'il est tellement habitué à voler en rase-motte au-dessus des champs de blé d'Inde et autres champs comme ça, qu'il n'a jamais eu l'occasion de voler haut. Donc, aussitôt qu'il vole un peu trop haut, il a le vertige, puis il faut qu'il redescende vite, vite, vite, parce que ça va pas bien. Là. Mm-hmm. Donc, puis là, on voit que s'il essaie de pousser trop la machine, il essaie de voler trop vite, il y a des morceaux qui peuvent sauter parce qu'il n'est pas fait pour ça. Donc ses amis vont l'aider. On le voit un peu dans, si vous avez vu la bande-annonce, il y a des amis qui donnent des pièces à un moment donné pour l'aider à s'améliorer parce qu'il s'est fait cabosser un peu par le méchant. Mais bon, c'est un film que les enfants vont beaucoup aimer. Mon fils a aimé le film. Il a vraiment resté pas mal tranquille tout le long. Quelques longueurs, mais c'est pas si pire que ça. Comme je disais, il y a des super belles scènes. Il y a une scène où il faut qu'il franchisse l'Himalaya. Il y a des scènes au-dessus de l'eau, de l'océan. C'est vraiment très bien fait. Il y a de la neige, des choses comme ça. Donc, c'est un beau petit film. C'est bien fait. Oui, c'est calqué sur l'histoire de les bagnoles, mais d'un autre côté, je veux dire, j'ai quand même aimé, puis je pense que c'est un peu une manière pour racheter le deuxième film qui a vraiment été comme un flop, si on peut dire. Mm-hmm. Ça a été un des pires films que Pixar a sorti. Je vais faire un petit parallèle. Je vais te couper parce que je veux pas que tu ailles trop loin. Tu sais, le personnage, là, McFly, qui s'appelle pas McFly, là, c'est pas grave, qui a peur des hauteurs, ça me fait tellement penser. Si vous avez déjà joué sur XBLA à Dust and Elysian Tale, j'en avais déjà parlé dans La réalité augmentée. J'en avais fait la critique dans nos débuts, là, dans nos premiers épisodes. Un genre de platformer beat'em all, dans lequel on a une petite bébite qui nous suit, qui est comme un genre d'écureuil volant, puis qui a des pouvoirs. Et tu sais, c'est un écureuil volant, puis il nous explique qu'il a peur des hauteurs. Puis le pourquoi, ils disent parce que tout est un trou. Je peux tomber n'importe quand. Là. La seconde où est-ce que je vole plus, je m'écrase, moi, là. Fait que ça m'a fait penser à ça quand tu as dit que le personnage principal avait peur des hauteurs. La raison pour laquelle il avait peur, ça m'a vraiment fait. Ça m'a fait allumer une petite cloche. C'est ça. Fait que c'est ça, il a peur de ça. Fait que bon, je vous conterai pas la fin du film. On course jusqu'à la fin. Il y a des belles scènes de course. Il y a des scènes d'amitié. Il y a une petite leçon de vie qui nous dit que bon, le gagner, c'est pas nécessairement tout. Puis le fair play puis tout ça, c'est toujours bon. T'sais. Donc, il y a des petites scènes comme ça. Un peu. Je vais ramener une critique que tu as faite, puis je suis heureux de voir que tu t'es pas fait casser les deux jambes encore. Quand tu avais parlé de l'Université des Monstres, puis tu avais dit que Georges Saint-Pierre était pas un super acteur dans le film Les Avions. C'est Joanie Rochette a un petit rôle. Finalement, c'est un avion qui s'appelle Rochelle, qui est un avion canadienne. On imagine aussi québécoise si on écoute le film en anglais. J'imagine qu'elle a peut-être un petit accent québécois, ou je sais pas s'ils l'ont juste mis canadienne pour le film américain, là. Mais non, elle s'appelle Rochelle, pareil. Puis c'est Julia Louis-Dreyfus qui la faisait. C'est celle qui jouait dans Seinfeld. C'est elle qui faisait la voix. Mais en français, c'est Joanie Rochette. Et puis... Il y a un clash. Bon, au début, c'est ça, même en anglais, ils disent qu'elle est originaire du Québec. Au début, je trouvais que ça... c'était un bel effort, Joanie, mais ça accrochait. Tu voyais que c'était pas quelqu'un qui en fait tout le temps. Ça avait l'air vraiment... Je lis mon texte, puis tout ça. Mais on dirait que plus ça avançait dans le film, moins ça paraissait. Où tu t'habituais? Ouais, peut-être où je m'habituais. Parce que c'est pas nécessairement doublé dans l'ordre logique du film. Non, mais je trouvais que probablement que ça a quand même été fait dans un certain ordre, puis qu'on voyait qu'il y avait eu des améliorations dans certaines scènes. Elle a pas beaucoup de scènes où elle parle, mais il y a quand même certaines scènes, puis je trouvais qu'il y avait une certaine amélioration dans certaines phrases. Fait que j'imagine que c'est peut-être une progression qu'il y a eu à un moment donné, parce que, je veux dire, elle fait pas ça professionnellement, là. C'est une patineuse artistique, c'est pas une doubleuse professionnelle. Mm-hmm. Hey, c'est un autre parallèle avec Turbo aussi. Hein? Tu sais, le fait d'avoir un personnage qui vient du Québec, dans Turbo, le méchant, en fait, Guy Lagagne, parce que c'est pas gagné, tu sais, même si c'est écrit gagné, c'est pas gagné, voyons, c'est la gang. Lui aussi venait du Québec. Je sais pas, est-ce que les États-Unis ont comme eu un flash qu'on existait? Ou... Ouais, c'est quoi la grosse butte de terre en haut? Hey, il y a du monde, puis ça parle français. Ben oui. Non, mais c'est ça. Fait que c'est, elle fait un travail correct. Viens pas me casser deux jambes, Joanie. Là. J'ai quand même aimé ce que t'as fait. Elle va te les couper avec des patins, elle. Mais ouais, c'est ça. Mais elle a le droit, je veux dire. Elle est cute comme un cœur. Fait que je veux dire, je suis capable de la pardonner là, pour okay, ça. Bon. Mais non, c'est ça. Au début, ça frappe un peu, mais après ça, ça vient comme cute, c'est correct. Là. Donc, morale de l'histoire, si Georges Saint-Pierre avait été cute, j'aurais pu le pardonner, c'est quoi? Peut-être. Okay. Mais Georges, c'est pas Joanie. Non, c'est ça. Mais non, c'est ça. On aime Georges, mais on aime Joanie aussi. T'sais. Elle a fait des belles choses aux Olympiques. Tout ça. Bon. Non, mais c'est ça. Fait que c'est pas son travail. Fait que ça paraît, mais je trouvais que dans certaines scènes, elle apparaissait mieux que dans d'autres. Fait que j'imagine qu'ils ont peut-être été enregistrés après. Elle a peut-être eu du coaching. Ils n'ont peut-être pas eu le temps de recommencer. Parce que j'imagine qu'ils ont un horaire assez serré pour le doublage. Fait qu'elle a peut-être pas eu le temps de recommencer certaines scènes qui auraient peut-être sonné mieux si elle les aurait repris. Mais. T'sais, en général, c'est un travail correct, là, mais on voit qu'il y a une différence entre elle et les autres qui doublent, que c'est des voix que tu as déjà entendues dans des films de Disney, puis tu vois qu'eux autres ils ont de l'expérience. T'sais. Mais bon, c'est un bon film. Je ne vous dirais pas que c'est un excellent film. Si vous n'êtes pas fanatique, vos enfants ne sont pas fanatiques de l'univers des bagnoles, attendez que ça sorte en DVD, parce qu'originalement, ce film-là était supposé être une sortie directement en DVD, mais... Disney a vu que peut-être qu'on peut faire un peu de cash avec ça et on va le sortir au cinéma. Et ce ne sera pas un ni deux, mais ce sera trois films. Ben voyons donc, un autre parallèle. Oui, il y a un... ben ça va être trois films de l'univers des avions. Mm-hmm. Donc, il y a déjà une suite qui est annoncée à la fin du générique qui s'appelle « Avion ». Feu et c'est Planes, Fire and Rescue, donc feu et sauvetage, qui serait supposé être une histoire d'avion qui éteignent des feux puis qui aide du monde. Ah ben on va peut-être voir plus d'avions du Québec avec les feux de forêt. Peut-être. On je sais bon pas là-dedans. Si Dusty va se faire insérer dans l'histoire. Parce que, bon, c'est ça, vous allez voir dans l'histoire du film, il y a des choses qui se passent. Là. Je ne sais pas s'il va se faire insérer, on va aller avec complètement d'autres personnages. Ce que j'ai aimé dans le film aussi, c'est qu'on voit des choses qu'on a vues dans le film Les Bagnoles, comme les tracteurs qui sont les vaches et tout ça, vu que Dusty arrose des champs, mm-hmm. il y a des vaches, puis les vaches, c'est des tracteurs. Ah, okay. Fait que c'est, on a des parallèles, on sait qu'on est dans le monde de Cars, on voit pour la course, on voit des spectateurs, il y a des avions, il y a des autos. Et puis, la personne qui décrit les courses, c'est Mustang Burger, qui est la Mustang de Cars 2 ou des Bagnoles 2 qu'on voit, qui c'est lui qui décrit les courses d'avion. Donc, j'ai trouvé que c'est un beau clin d'œil. Je ne sais pas si ça a rapport avec le fait que la Mustang va avoir 50 ans l'année prochaine, puis ils ont voulu comme rendre hommage, là. Mais c'est le fun d'avoir une Mustang dans le film des avions. Surtout que tu es un amateur. Hey, question de même, là. On parle franchement, là, entre quatre yeux, là. Les Bagnoles 1 est sorti en mars 2006. Oui. Planes sort là en 2013, au mois d'août. Mm-hmm. Ça fait 6 ans. Est-ce que Disney s'est permis parce qu'elle s'est dit le public cible, ça sera plus ans. Le même? Ouais, 7 ans. Là. Ouais. Peut-être. On a peut-être voulu aussi faire. On veut partir sur une nouvelle franchise. Je veux dire, on peut partir sur des ballons là, dans cet univers-là. Je veux dire, on peut partir avec une histoire de bateau. Même, je pensais à ça, à la blague. Je me suis dit, la prochaine, ça va être l'histoire d'une chaloupe qui s'appelle Floaty. Puis Floaty, il a le mal de mer. Puis il a de la misère à faire toutes sortes d'affaires. Puis il rêve d'avoir des avions de pêche, sur elle. Puis il rêve d'aller à Valleyfield puis pour courir pour les régates. T'sais. Quelque chose de ce genre-là, ça pourrait être une autre histoire. Oui. Tu sais, mais tu peux t'en aller n'importe où dans l'univers, dans cet univers-là. Tu peux faire des bateaux, tu peux faire un sous-marin, tu peux faire, tu sais, je veux dire, un coup rendu là, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Puis les avions, c'est quand même, tu sais, on a vu dans le deuxième film Les Bagnoles, il y avait quand même des avions. C'était intéressant. Avec les petits films de Mater, ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller vous chercher ça en DVD. C'est les histoires de Martin ou Mater. Là. Ça passe aussi à Disney Junior. Si vous avez Disney Junior sur le câble, ben on a... Tu sais, on a une navette spatiale qui est dans l'univers, donc elle parle à une bouche, puis tout ça. Donc, on a essayé des choses, puis ça marche bien. Je veux dire, c'est le fun de voir un avion qui a une bouche qui parle, puis avec des yeux, puis je veux dire, ça fonctionne, tu sais, tu regardes, puis bon, ouais, ça se pourrait. Ouais, c'est le même principe que quand tu mets des animaux en animation, puis t'es fait parler. C'est ça, tu sais, mais un animal, ça a vraiment une bouche. Ouais. T'sais, tandis qu'un avion puis un auto, ça n'a pas. Mais tu sais, je veux dire, ça marche pareil, la manière qu'ils ont animé ça, ça fonctionne. Fait que c'est pas un film à voir absolument. Vous pouvez attendre de le voir en DVD, ça va faire le travail. Si vos enfants vous achalent pas pour aller le voir pendant que c'est au cinéma, louez-le quand ça va sortir. Moi, j'y donne un 7 sur 10. Là. Okay. C'est pas extraordinaire. C'est honnête. C'est pas mauvais. Les critiques l'ont planté, mais on a souvent, en tant qu'adulte, comme je l'ai déjà dit avant, on a souvent le don de trop analyser ces films-là, puis c'est pas nous autres le public cible. Si je m'en vais là, mon garçon qui a 7 ans, qui est né en mars 2006, la même année que Cars est sorti, puis c'est son film préféré, ça tombe juste bien, tu sais. Lui, il n'a pas passé le film à se dire « Hey, c'est la même affaire que ça, c'est la même affaire que ça. » Il a regardé le film, il a trouvé ça bon. Quelques longueurs, à un moment donné, le film a perdu un peu son attention, mais c'est vrai dans les bagnoles aussi. Je veux dire, il a aimé ça, il a eu du plaisir. C'est lui le public cible. Si lui a eu du fun à regarder ce film-là, puis moi, j'ai passé du bon temps, je vais arrêter de juste vouloir le critiquer puis le suranalyser. Ça a fait le travail. Fait que, je veux dire, 7 sur 10, je pense que c'est un film qui vaut la peine d'être vu. 3D, pas nécessaire. Vous pouvez sauver 3$ par personne puis pas aller le voir en 3D. Mais c'est un bon divertissement. Ouais. Ben, moi, je suis un peu, je pense, comme les autres critiques adultes qui se sont dit, c'est de la facilité. Parce que, comme tu l'as dit, tu sais, on peut voir l'univers des bagnoles être transféré, des chaloupes, ça peut être des camions, tu sais, ça peut être... Non, oui. Mais les camions, ça tombe dans le monde des bagnoles. Ouais, mais tu comprends ce que je veux dire, tu peux le faire à peu près avec n'importe quel moyen de transport rendu là, tu sais. Puis ce que j'ai peur, puis je pense que c'est le pourquoi que les critiques ont donné des mauvaises notes, qui ont sorti le film de son contexte. C'est, tu te dis, c'est de la facilité, puis est-ce qu'à tous les 7 ans, on va nous ressortir un nouveau type de véhicule, puis on va aller chercher de l'argent facile avec un public cible qui est facile à exploiter, tu sais? Peut-être. Regarde, je veux dire, Disney sont reconnus pour... tu sais, Pixar, t'es plus... Standard de qualité, Pixar, on savait qu'on s'attendait à être quelque chose de bien, là. Il y avait plus de rigueur avant qu'ils soient achetés par Disney. Il n'y avait pas de quelque chose d'eux. Il n'y avait pas de Toy Story nécessairement d'eux. Il n'y avait pas de planification de suite vraiment jusqu'à temps que Disney les achète. Puis, il ne faut pas oublier, là, dans les années 2000, aller jusqu'à à peu près en 2005, 2006, 2007, Disney sortait des films directement en vidéo, puis c'était de la pourriture. Là. Mm-hmm. Je veux dire, ils sortaient La Belle et le Clochard 2, 3, 4, 5. Là. OK, il y en a peut-être, je pense qu'il y en a juste, il y en a deux ou trois. Tu sais, des histoires sur Cendrillon, que, regarde, on s'en fout, l'histoire est finie, il n'était pas obligé de me. Tu sais, et qu'ils sortaient des films juste pour. Écoute, le Roi Lion, genre 2.5, tu fais. Hein? Oh, ouais, c'est ça. C'est, fait que, tu sais, à un moment donné, c'était vraiment juste pour faire de l'argent sur le dos du monde. Puis, à un moment donné, ils se sont peut-être calmés un peu. Puis, dans tous les films de Disney, avant, il y avait des chansons. Il fallait que les personnages chantent. Puis moi, j'avais dit dans le temps qu'il avait sorti Dinosaure. J'avais dit à un de mes chums, j'ai dit, moi, je te jure, hein, je rentre là, si Dinosaure se met à chanter, je sors de la salle. Puis, il avait pas chanté. Mais tu sais, c'était dans ce temps-là, c'était vraiment un running gag. Là. Tous les films de Disney, tout le monde chantait. Regarde, à un moment donné, là, je veux te tuer, je te chanterai pas dans la face, ça va te tuer. Là. Tu sais, ou je te faire un mauvais coup, je ne m'inviterai pas à te chanter dans la face, ça va te faire mon mauvais coup, mais bon. Tu vas le voir venir un peu, là. Fait qu'ils ont une réputation de faire de l'argent avec à peu près tout. Ils ont acheté Star Wars aussi, checkez bien ça, il va y avoir plein de films de Star Wars d'ici les prochains 10 ans, mais tu sais, on en veut, c'est correct. Mais c'est ça, il faut savoir arrêter à un moment donné d'exploiter le monde, mais on va voir ce qu'ils vont faire. Regarde, je leur donne une chance, ça c'est quand même un film qui est intéressant, qui est fun à regarder, s'ils commencent à nous sortir ça, puis on va voir le deuxième. Si le deuxième, c'est vraiment juste du réchauffé, puis ils n'ont rien à nous montrer comme histoire de nouveau, ça va finir là, tu sais. Mais c'est ça. L'avenir nous le dira. Je lui donne une chance. À suivre. Ouais, là, c'est assez. Là, c'est à ton tour. OK, c'est bon. Rayman Origin. Je vais vous avouer. Bon. Hein? On va finir ça vite. C'est bon. Puis c'est excellent. Quand ma mère, quand j'étais jeune, elle faisait du dessert, puis que, tu sais, c'était un bon dessert. En joke, tu sais, on disait c'était cœurant, tu sais, c'est cœurant comment est-ce que c'est bon. Rayman Origin, c'est du sucre à crème, c'est une tarte aux pommes, name it, là, votre dessert préféré, c'est ça, c'est une gâterie à se faire. Si vous êtes amateur de platformer, allez-y aveuglément, tu sais, aucune réflexion, peu importe le prix, Surtout qu'il y a quelques années déjà, il est sorti en 2011, au mois de novembre, pour être plus précis, sur les consoles Xbox 360 et PlayStation 3. Donc, à petit prix, vous allez le retrouver dans les jeux moins récents, dans votre magasin préféré. Sur Steam, il y a toujours des deals une fois de temps en temps. Moi, je l'ai eu pendant les Summer Sales et je l'ai payé une affaire comme 9,99 et je rentre dans mon argent, mais là, violemment, là, c'est fou comment ce jeu-là est bon. Ouais. C'est une production de Ubisoft Montpellier. C'est un jeu de plateforme. Et comme dit, qui dit jeu de plateforme dit histoire un peu farfelue. Il n'y a pas de princesse. C'est au moins ça de gagner. Écoute, je vais te lire ce que j'ai écrit comme note pour le synopsis du jeu. Okay? Alors que tout le monde dort et ronfle en cœur, ça brise la prison des Landes aux esprits frappés, où sont gardées toutes les créatures des cauchemars de Polocus, le créateur de tout ce qui vit sur la croisée des rêves. Les rêves positifs ont la place. Normalement, les rêves négatifs sont dans la prison, mais là, ils sont libérés. Rayman a la mission de ramener la paix dans le monde en retrouvant tous les lumes cachés par les créatures méchantes. Ouais. Oh boy! Ouais, c'était pour vrai, sommaire, ton affaire. Je ne sais pas ce que ça mange en hiver, tout ça, mais t'sais, on s'en fout. Pour vrai, oh là, ouais. C'est, l'histoire, c'est pas ça. Tu pars du point A, tu te rends au point B. Tu as ce qu'on appelle les lumes, c'est des petites. C'est des pièces d'argent, OK? C'est la même affaire que dans Mario. Là. C'est des petites boboules de lumière, avec des petites boboules jaunes avec des bras qui chantent quand tu pognes certaines autres bubules. Voilà. T'es ramasses, puis c'est ça qui est comme tes scènes à la fin de ton niveau. Voilà. Le but, c'est de ramasser le plus de lumes possible par niveau, parce que après ça, ben, à la fin des niveaux, t'as un genre de plateau de médailles. Là. Dépendamment des niveaux, t'en as plus, t'en as 3, 5, 7, t'sais, peu importe. Là. Et t'as des objectifs. Exemple, ramasser 100 lumes, 150, ou encore pour avoir une médaille, que ça, c'est comme un achievement, t'sais, d'en avoir plus que, mettons, 300 dans le tableau. Au début, c'est relativement facile dans les premiers mondes, mais à la fin, ça commence à se compliquer, parce que là, plus ça va aller, plus on va aller cacher ces lumes-là, plus il va y avoir des secrets, plus il va y avoir des zones difficiles d'accès, plus le jeu va être retard, va être difficile, va te mettre dans des situations de faire des choix, dans le sens de, OK, je vais-tu à gauche pour aller ramasser celle-là ou bien je vais à droite, puis vite, il faut que je prenne la décision parce qu'il y a un des... Tu sais, les deux chemins vont finir par se bloquer, puis je vais finir par mourir. C'est un plateformeur qui est conscient de ce qu'il est. Il doit être un défi, mais il doit être aussi facile d'accès. L'entrée en bouche, les premiers niveaux, ça se fait pratiquement les yeux fermés, mais tranquillement pas vite au fil des 60 niveaux qu'il y a à travers le jeu, répartis dans 6 mondes. Je dis 60 niveaux, c'est à peu près une soixantaine de niveaux. Là. Tranquillement pas vite, le niveau de difficulté va se graduer, va aller en augmentant, mais c'est jamais, tu sais, tout d'un coup, hop, pouf, OK, là, t'as comme un mur, t'as comme une scission avec le avant et après niveau de difficulté. Non, c'est toujours fait de façon bien continue, c'est toujours bien intégré. On va avoir différents pouvoirs qu'on va débloquer au fur et à mesure. Exemple, de pouvoir rapetisser selon certaines situations. Quand tu es en minuscule, comme c'est le cas dans les Mario, hein, c'est un hasard de la vie, tu rebondis plus. Les ennemis, quand tu sautes sur eux, ben, ils écrasent pas. Tu sais, il faut que tu les attaques de façon différente pour pouvoir t'en débarrasser. Tu rebondis, tu sautes plus loin. Des choses comme ça. Tu vas débloquer, exemple, à certaines occasions, des points que tu peux lancer loin. Tu vas faire comme si tu lançais une boule de feu. Ah, un autre parallèle sur l'univers de Mario. Le fait de pouvoir courir si le mur est en courbe, après ça, ben, tu t'arrêteras pas de courir. Tu vas courir sur le plancher, après ça, tu vas courir sur le mur, après ça, sur le plafond. Si c'est en courbe, il y a certains endroits où est-ce que c'est possible. C'est des genres de pouvoirs que tu vas finir par débloquer au fur et à mesure du jeu qui vont te permettre d'aller chercher plus loin et d'avoir des énigmes différentes dans les jeux, dans les différents niveaux. Ce qui est plaisant de ce jeu-là, c'est que, étrangement, il te donne le goût, demande-moi pas pourquoi, il te donne le goût de toujours vouloir refaire les niveaux pour aller chercher plus de lumes. C'est fou, hein? Parce que ouais. Un platformer, là, normalement, tu vas dire vite, de A à B, je me rends, tu sais, du point A au point B, on te lâche les niveaux le plus rapidement possible. Dans ce jeu-là, de base, tu n'as pas de timer. Tu n'as pas de vie non plus. Tu meurs d'une section, tu recommences au début de la section, c'est tout. Donc, quand on a vu le dernier jeu de Mario sur 3DS, et on disait, ah, le niveau de difficulté, c'est poche, tu finis le premier monde, tu te sens en vie, il n'y a plus de challenge, c'est pas vrai pour moi. pour moi, c'est absolument faux. Le fait de ne pas avoir de game over n'est pas une source de bonheur ou de négativisme. Le niveau de difficulté, tu peux en avoir même si tu ne vois pas de game over parce que tu n'as plus de vie. Donne-moi autant de chance que je veux, puis c'est pas grave. Si c'est dur, je vais avoir de la difficulté à passer à travers le niveau. Le nombre de vies, pour moi, ça compte absolument pas. Ce jeu-là, je reviens au fait là, de vouloir toujours aller chercher plus. On va avoir des courses contre la montre. On va avoir des objectifs en termes de lumes qu'on va aller chercher. Les contre la montre, tu as le timer pour avoir l'électron qui appelle, qui est comme un rassemblement de lunes qui, eux, c'est les gardiens de cette prison-là pour les mauvais rêves que tu dois cumuler pour après ça débloquer des niveaux plus loin et aller chercher des coffres au trésor. Parce que je vous expliquerai un petit peu plus loin. Là. Tout ça s'enchaîne, ça débloque un élément qui débloque un autre, qui débloque un autre. Tu vas vouloir dans chacun des niveaux revenir, recommencer pour faire le niveau de façon différente, en allant dans chaque recoin, parce que tu as dans presque tous les niveaux des endroits cachés où est-ce que tu as des lumes qui sont dans des coffres, qui sont dans des caches que tu dois libérer. Ça, c'est caché, il faut que tu les trouves. Tu as dans le tableau des lumes qui sont éparpillées à gauche et à droite que tu vas devoir ramasser. Plus t'en as, plus tu vas être capable de ramasser des Electoons à la fin des niveaux. Contre la montre, tu as le contre la montre de base qui te permet d'avoir un Electoons et aussi le contre la montre plus vite encore pour aller chercher comme l'achievement. Donc, le jeu t'amène à refaire les niveaux. Moi, c'est étrange comment est-ce qu'on y arrive parce que c'est pas dit implicitement. C'est pas « Hey, ça serait le fun que tu le fasses mieux que ça ». Non, pas du tout. On te présente une genre de médaille, puis là, ben, quand tu as les Electroons qui sont débloqués par ce que tu as réussi à faire dans le niveau, on te les met dans la médaille, puis petite musique, on t'applaudit, puis merci, bonsoir. C'est rien de plus que ça. On te met pas de pression. On t'oblige pas à refaire les niveaux, mais instinctivement, tu as le goût de les refaire. Tu as le goût de fouiller les niveaux. Comme il n'y a pas de timer, tu prends ton temps aussi quand le niveau te le permet, parce que des fois, tu as des niveaux avec des défilements. Tu as 6 mondes bien définis avec des caractères différents, de la glace, du feu, sous l'eau. Et là, tu sais, Luc, hein, moi, les niveaux d'eau dans Mario... Je suis pas capable. Je les aime pas, enlevez-les. Ben dans Rayman's, encore une fois, étrangement, sont bons. Il n'y a pas de. Okay, dans Mario, quand tu nages, c'est que tu vas toujours en calant, puis tu dois peser sur le bouton pour sauter, pour te redonner un niveau, de aller un petit peu vers le haut. Mm-hmm. Là, dans Rayman Origin, les tableaux d'eau, c'est pas ça. Tu te diriges vers la direction, comme si tu étais dans de l'eau. Tu sautes pas, non, il n'y a rien de ça. Tu fais juste nager vers là où est-ce que tu vas aller. Donc, ça devient extrêmement précis. Et on l'utilise énormément dans les niveaux d'eau avec des monstres qui sont des genres de serpents, des très labyrinthiques. Où est-ce que tu dois y aller avec de la précision pour passer d'un endroit à l'autre pour aller chercher les looms dans les niveaux. Tu sais, ça va être très, très précis des fois comme façon de procéder pour nager. Donc, les niveaux d'eau sont agréables, sont le fun à traverser, même si des fois, les monstres les plus méchants, les plus pas fins, les plus... ceux qui te font le plus mal, là, qui te font rusher le plus, sont dans ces niveaux-là. C'est quand même agréable de les traverser. C'est pas genre, vite, que je traverse ce monde-là puis que j'en ai fini. Non, ça va plutôt bien parce que c'était bien calibré, ce qui n'est pas le cas dans les Mario. La musique est écœurante. La musique, je vois d'ailleurs, j'ai extrait les chansons. Je vais vous en faire entendre 3 extraits de pièces à la fin de l'épisode de la réalité augmentée. On va vous faire écouter ça. La pièce d'intro qui se nomme The Loom King, The Tricky Treasure. Ça, c'est dans des niveaux, c'est comme des courses contre la montre. Dans le dernier Mario, tu as un personnage qui te vole des scènes ou des choses que tu dois rattraper. Donc, ça te fait faire le niveau hyper rapidement. Ben, c'est le même principe, sauf que c'est un coffre au trésor qui veut pas que tu le tabasses pour avoir ce qu'il y a dedans. Donc, vitesse, tu dois de le rattraper. Et le thème de ces tableaux-là est super bon. Et aussi, et là, étrangement, un niveau d'eau, la pièce des premiers niveaux d'eau, Sea of Serendipity et Looms of the Water, qui est écœurante, c'est une super bonne pièce. Je vais vous faire entendre ça à la fin de l'épisode pour vous montrer comment est-ce qu'on n'a rien laissé au hasard. Côté musical, c'est très, très bon. Ouais, moi, il y avait un niveau que j'ai particulièrement aimé puis resté surpris quand j'ai joué au jeu, c'est celui que tu étais assis sur un maringouin. Oui, c'est vrai. Il y a ça aussi, cette variante-là. Ou est-ce que là, ben, ça devient un shoot'em up. Ben, en un fait, peu comme un Defender ou ouais. un jeu d'avion. Là. Comme dans le temps. Et encore là, étrangement, ça devient dur. Au début, les premiers, c'est super facile. C'est juste, tu sais, essaye d'avoir le plus de looms possible en détruisant les ennemis. Mais à la fin, ça commence à être compliqué. Là. T'as des blocs de glace. Des blocs de glace qui tombent sur la tête, des pics partout. Faut que tu sois précis. On réussit à créer ainsi dans les 6 différents mondes des tableaux qui ont des saveurs différentes. Oui, il y a des thématiques, glace, feu, comme je vous disais, musique, des choses comme ça. Mm-hmm. Mais avec ces différents types de tableaux-là, on change le mal de place. On n'est pas toujours en train de faire la même affaire. Et il y a plusieurs tableaux qui combinent, genre des bouts terrestres et des bouts sous l'eau. Fait qu'on est toujours en train de renouveler le gameplay et l'expérience qu'on offre aux joueurs. La manipulation de Rayman ou des différents personnages qu'on peut jouer, c'est au millimètre près. C'est super adéquat. Ça marche très, très bien. On a différentes attaques pour clencher les ennemis. Tout ça fonctionne super bien. On apprend rapidement les procédés et les différentes caractéristiques et pouvoirs spéciaux qu'on t'offre durant le jeu. Comme ils sont amenés tranquillement, pas vite, on les découvre, puis on les rentre dans notre façon de jouer hyper facilement. C'est super bien fait de ce côté-là. Ouais, puis c'est beau, les graphismes sont colorés. Ah. C'est plus coloré que dans Mario. Mario, c'est coloré, les graphismes sont beaux, surtout sur la Wii U en HD. T'sais, Mario est vraiment beau. Mais ça, c'est vraiment des couleurs pastel, c'est comme déjanté aussi comme univers. Puis c'est toujours drôle quand tu meurs parce que tu fais comme te dégonfler. Tu fais pas comme mourir à terre. Puis c'est comme. T'as vu l'Université des Monstres? Non, tu l'as pas vu. Je parlais, il y avait une scène où est-ce qu'ils ont des boules roses qui sont en fait de la saveur d'humain. Quand tu touches les humains, c'est comme une réaction allergène, tu gonfles. Ben, Rayman, quand il meurt, c'est ça. Il gonfle jusqu'à éclater comme une ballonne. C'est ça. c'est juste comique. Là. Fait que des fois, ça te dérange même pas de mourir. T'sais. Non, c'est ça. La manipulation, comme je disais, c'est toujours au poil, c'est toujours bien calibré, autant dans les mondes d'eau que dans les autres mondes. Les différents pouvoirs, écoute, c'est tout est bon là-dedans. La seule affaire dans le négatif, puis écoute, c'est parce que j'ai poussé l'histoire. Je vous le disais, c'est une histoire qui est poche, là, qui est pas. Tu sais, c'est pas ce qui t'amène à vouloir aller de l'avant. C'est pas du tout. Même en fait, à la limite, t'as comprends pas tant que ça. On te dit, tu vas là, ok, c'est bon, je vais. Écoute, il n'y a pas de trouble. Et après ça, les boss de monde, ils sont énormes. Et la joke, c'est qu'une fois que t'es dessus, ils rapetissent puis ils deviennent genre t'as attaqué un gros monstre marin, à la fin ça devient une mini crevette, là, tu sais, qui dit t'es mon héros, merci de m'avoir libéré. Les boss sont énormes, sont gros, sont épeurants. Ils ont des patterns qui sont difficiles, ben pas qui sont difficiles à premier abord, mais quand tu les connais, tu sais où te placer pour pouvoir les contourner, et ça prend 3 coups à la place spécifique qui flash, que tu touches, puis après ça, c'est terminé. Donc, d'une certaine façon, les boss sont durs, mais quand tu l'apprends, ça te prend 2-3 coups, et après ça, tu le passes relativement facilement, tant que tu as appris les patterns des différentes phases des boss. Donc, c'est les deux seuls points négatifs de ce jeu-là. J'ai beau chercher, là, j'ai creusé, là, je me suis dit, il est pas parfait, ce jeu-là. Là. Puis, crime, j'ai pas le choix. Ouais, il est pas loin de la perfection. Oui, c'est un jeu qui, si vous aimez les platformers, c'est un jeu que ça vous prend. Moi, j'écoute, mon meilleur jeu à vie, c'est Super Mario World. C'est pour moi le platformer ultime. Ça a toujours été ma référence. De plus, ben, je l'ai découvert quand j'étais jeune, donc il y a des souvenirs qui sont associés à celui-ci. Il y a une nostalgie quand je pense à ce jeu-là. C'est des bons moments que j'ai vécu. Mais, tu sais, c'est à côté dans ma tête à moi par Rayman Origin à ce point-là. C'est même déstabilisant de dire, waouh, ok, mon jeu qui a toujours été comme ma référence vient de se faire à côté, puis challenger, puis solidement. Là. C'est un peu déstabilisant de vous avouer ça aujourd'hui. Donc, Rayman Origins, si vous êtes un amateur de plateformeur, on vient de vous le dire, là, vous achetez ça. Peu importe le prix, puis en plus, il est pas cher. Et là, ben, j'ai hâte de voir Rayman Legend. C'est clair que je vais me le procurer, c'est clair que je vais passer au travers, et c'est clair que je vais vous en faire la critique dans la réalité augmentée. Et j'espère qu'on va pas détruire tous les beaux efforts et toutes les belles réalisations qu'on a faites dans Origins avec cette suite-là. C'est entre bonnes mains, on a confiance en Ubisoft. Je pense pas qu'ils se plantent, mais on va les attendre avec une brique et un final. On va être là, on va être prêts. On va le tester de fond en comble pour vous en donner nos impressions éventuellement. Moi, ça sort le 30 août, Rayman Legends. Ouais, c'est ça. La démo, pour ceux qui s'intéressent, la démo est sortie sur Xbox Live, puis peut-être sur PlayStation. Moi, je l'ai vu sur Xbox Live. Là. Fait que ceux qui veulent essayer la démo, il y a ça, puis il y a NHL 14 qui est sorti aussi, c'est vrai, aussi la démo. Donc, si j'y allais avec une note 9.5 sur 10, il n'y a rien de parfait dans la vie, donc il y a une marge de manœuvre pour aller encore mieux. Mais disons que, écoute, oui, il y a une marge de manœuvre, mais elle n'est pas très grande. On n'est pas très loin de la perfection. Du beau boulot. Bravo Ubisoft. Je vous le dis en retard. J'ai 2 ans, presque 3 ans de retard pour vous acclamer, mais vous le méritez. Vous avez fait du bon boulot. Félicitations. Puis si vous êtes amateur de plateformeur, je vous le dis, là, vous devez jouer à Rayman Origins. Oui, c'est un excellent jeu. Ça vaut la peine d'être joué. Yes! Fait que c'est pas mal ce qui fait le tour pour la réalité augmentée. On vous rappelle le concours qu'on a lancé en début d'épisode. Si vous n'avez pas pris le temps de prendre les données en note, vous devez nous écrire à podcastrealitéaugmentée. @commercial@gmail.com. Ça, c'est notre adresse courriel. Vous nous faites une liste dans l'ordre des 4 jeux dans lesquels vous voudriez les avoir. On va faire 4 gagnants. On a 4 jeux qui sont issus du Humble Bundle de EA. Les jeux sont à valider, à aller activer sur Origin. Ça vous prend un compte Origin. À activer sur la plateforme Origin, qui est en fait l'équivalent de Steam, mais pour les jeux de EA. Les jeux sont Burnout Paradise de Ultimate Box, Crysis 2 Maximum Edition, Medal of Honor, Mirror's Edge. Donc là-dedans, il y a des excellents jeux. Mettez-nous-les dans l'ordre que vous voulez les avoir. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de question concours. Là. Juste nous faire la liste. Un petit merci en passant à Maxime Giguère qui nous offre ces jeux-là. On le salue bien bas. Il est en train de travailler sur notre nouveau logo. Quand on va pouvoir vous présenter ça, là, vous allez capoter. Il est vraiment écœurant, vraiment très, très joli. Donc, vous nous envoyez des courriels podcastrealitéaugmentée@gmail.com et le tirage s'effectue le 18 septembre prochain dans l'épisode. Donc, vous avez jusqu'à 18h le 18 septembre pour participer et courir la chance de gagner l'un de ces 4 jeux-là. Oui, bonne chance. Oui, ben oui, bonne chance. On va en reparler dans le prochain épisode. Exactement. On va vous titiller encore avec ça sans problème. On va le faire avec grand plaisir. Oui, puis s'il n'y a pas de participants, on va vous achaler avec ça. Oui, exactement. Luc, on te retrouve comment sur le web? Twitter @scalazormo. Sinon, ben, vous pouvez me rejoindre vous pouvez voir le restant de mon contenu sur soit podcastauto.ca ou le cjup.com pour Histoire de Gamer. Pour ceux qui s'intéressent, j'enregistre un prochain épisode avec Jean Barre de Monsieur Net et de du groupe Omnicron. Donc, c'est mon prochain épisode. Parfait, on va être là, on va être au rendez-vous. Moi, j'adore ce podcast-là, by the way, et tu le sais. Oui, je le sais, mais ça achève, il en reste 3. Ah, non, j'ai de la peine. Ben non, mais toutes bonnes choses ont une fin. Ouais, c'est ça. Sinon, et moi, sur le web, ben, on me retrouve, je gère le compte officiel de la réalité augmentée @realitéaug sur Twitter, sur Facebook aussi, il suffit de nous chercher. Sinon, pour me rejoindre personnellement sur Twitter, @gangj_b, c'est aussi simple que ça, on est parlable, on est jasable, venez nous saluer, il n'y a pas de trouble. Et on vous rappelle qu'on sera de l'événement, toi et moi, Luc, ainsi que les petites familles. On sera au Warp Zone 6 du côté de Québec, au Musée de la Civilisation, le 14 septembre prochain. Si vous êtes dans la région de Québec, vous êtes des gamers, vous nous écoutez, donc vous êtes des gamers, on en est convaincus. Pointez-vous là-bas, ça vaut la peine. Et si vous nous croisez, on va essayer de mettre nos t-shirts de réalité augmentée, question d'être visible. T'inquiète là. Donc, venez nous croiser, venez nous dire un petit bonjour. On est parlable sans problème. Ouais, ça me fait le plaisir de vous serrer la pince et de jaser un peu. Yes! Donc, on se quitte avec les 3 chansons dont je vous parlais tout à l'heure pour Rayman Origins. Question de vous donner une idée de qu'est-ce qu'on vous offre comme univers musical là-dedans. De Lom King, qui est la chanson qu'on vous fait entendre lors de l'ouverture du jeu, quand vous êtes dans les menus et que vous déplacez d'un univers à l'autre pour choisir quel niveau vous allez choisir. Une pièce qui est excellente. De Tricky Treasure, qui est la course contre la montre, contre les trésors, qui est toujours un challenge. Plus ça avance dans le jeu, plus ça devient compliqué. Et la première chanson de l'univers d'eau, qui se nomme Sea of Serendipity, Lums of the Water, qui est une excellente chanson qui, écoute, c'est jazzé un peu. Tu fais comme, hey, c'est donc bien bon, ça. Puis là, écoute, j'étais dans le niveau, j'attendais, je vais l'écouter jusqu'au bout. Puis finalement, j'ai fini le tableau, puis j'étais bien heureux d'avoir pris le temps de l'écouter. Donc, je vous fais écouter ça, et c'est comme ça que va se terminer l'épisode de cette semaine pour la réalité augmentée. Un gros merci d'avoir été là. Merci, Luc. Merci à toi, Jean-Benoît. Salut, là, à la prochaine. Bye, tout le monde. Bye.